De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Pour terminer l'émission, nous allons parler d'un procédé de capture du CO2 à la cheminée d'industrie du fer afin de réduire le rejet dans l'atmosphère. Alors, pour nous en parler, je reçois Cindy Beaulieu, étudiante à la maîtrise à l'INRS en sciences de la Terre. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, c'est un sujet assez d'actualité, la réduction des gaz à effet de serre, particulièrement cette semaine. Ben oui, en effet, dans les médias ces temps-ci, on entend beaucoup parler de la COP21. C'est un événement international qui réunit 195 pays et l'Union européenne afin de signer un accord universel sur le climat dans le but de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Puis, pour ce faire, les scientifiques ont évalué qu'il faudrait réduire entre 40 et 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre anthropique par rapport aux émissions de 2010, et ce, d'ici 2050. OK. Tu as dit COP21, ça veut dire la conférence des parties, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, Miss, lorsqu'on nous parlons de gaz à effet de serre, nous parlons pas seulement de CO2, il y en a d'autres, je pense. Hein? Oui. En effet, quand on parle des CO2, on parle bien sûr, quand on parle des gaz à effet de serre, pardon, on parle bien sûr du CO2, mais aussi du méthane, de l'oxyde nitreux et de d'autres gaz synthétiques. Mais en termes de quantité, celui qui est le plus émis dans l'atmosphère, c'est le CO2, mm-hmm. émis de façon anthropique, je veux dire. Uh-huh, c'est qu'il représente environ 76% des émissions mondiales. Puis, pour réduire ces émissions-là, il y a beaucoup d'équipes de scientifiques au travers le monde qui travaillent sur des technologies de séquestration du CO2 afin de le capturer puis de l'emmagasiner à long terme. Tu as parlé d'autres gaz synthétiques. On parle des hydrofluorocarbones. Je pense qu'il y a aussi des perfluorocarbones puis l'hexafluorure de soufre, je crois. Oui, c'est bien exact. Exactement. Alors, et dans quel domaine ces technologies peuvent-elles être appliquées, Cindy? Ces technologies sont majoritairement appliquées dans des processus post-combustion. Mm-hmm. D'ailleurs, le dernier rapport du GIEC a ciblé les secteurs d'activité qui rejettent le plus de GES dans l'atmosphère, qui sont en fait le domaine de l'approvisionnement énergétique, et ce, par l'utilisation de combustibles fossiles. Il y a le domaine des transports et aussi le domaine industriel. OK, tu parlais du rapport du GIEC. Alors, le GIEC, on sait que c'est le groupe international... Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. D'accord, merci. Et pourtant, au Québec, notre électricité provient de barrages hydroélectriques. Alors, nous pourrions croire que notre empreinte de carbone est faible, nous, au Québec. Alors, quelle est notre contribution réelle aux gaz à effet de serre? Oui, c'est vrai qu'au Québec, nous, notre électricité provient de barrages hydroélectriques. Donc, ce qui fait que les GES qui proviennent de ce domaine-là sont inférieurs à 1% des émissions totales québécoises. Fait que c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Oui. Puis, selon l'inventaire du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, leur inventaire sur les émissions des gaz à effet de serre produits par l'activité humaine, le transport, c'est le secteur qui émet le plus de GES, avec environ 48% des émissions totales. Puis, il y a aussi le secteur industriel qui est vraiment pollueur, qui émet environ 32% des émissions. Puis nous, au Québec, par rapport au Canada, on émet environ 11% des émissions canadiennes, qui pourraient se chiffrer à 78 mégatonnes équivalentes de CO2 sur presque 700 mégatonnes canadiennes. Mm-hmm. Puis moi, dans le cadre de ma maîtrise, je travaille au sein d'une équipe dirigée par le professeur Guy Mercier, qui se penche sur le développement de technologies de capture du CO2 provenant de cheminées industrielles majoritairement. Donc, c'est applicable dans le secteur industriel, soit le deuxième plus pollueur au Québec. Puis, le processus qui est étudié, c'est la carbonatation minérale. En quoi consiste exactement ce processus de carbonatation minérale? En fait, c'est un processus qui consiste à faire réagir le CO2 contenu dans le gaz de combustion, le CO2 est sous forme gazeuse, avec des minéraux riches en métaux divalents, des métaux qui peuvent accepter 2 électrons, qui sont chargés 2+, en fait. Puis, dans le fond, on veut lier ces métaux-là chimiquement avec le CO2 pour former des carbonates sous forme solide. Mm-hmm. Puis nous, dans notre projet, on travaille sur des procédés qui se passent en phase aqueuse. C'est-à-dire qu'on mélange les minéraux qui contiennent les métaux d'intérêt avec de l'eau pour former une pulpe. Puis c'est cette pulpe-là qui va réagir avec le CO2 dans un réacteur. Et en quoi est-ce avantageux de faire de la carbonatation minérale dans un réacteur? Est-ce qu'il existe d'autres moyens de faire de la carbonatation minérale? Oui, avant tout, la carbonatation minérale, c'est un processus qui se passe de façon spontanée dans la nature, dans le sens où le CO2 atmosphérique va réagir avec des minéraux et former des roches carbonatées. Par contre, ça prend vraiment une échelle de temps très longue. OK, c'est un phénomène très, très long. Oui. Puis nous, dans nos recherches, on essaie de trouver des conditions qui vont optimiser cette réaction-là pour augmenter la vitesse. Puis d'autres méthodes, en fait, nous, on le fait avec un réacteur, mais aussi des méthodes que c'est... tu peux juste injecter le CO2 directement dans des formations géologiques qui, elles, contiennent les minéraux pour former des carbonates. Puis nous, en utilisant un réacteur, les minéraux proviennent majoritairement de mines ou d'industries. Puis la carbonatation minérale, quand on la fait dans un réacteur, ça permet de mieux contrôler les paramètres de réaction et ainsi de les optimiser, en fait. Puis le réacteur, lui, contient la pulpe, donc comme je l'ai dit, le mélange d'eau et de minéraux. Puis une fois qu'on introduit le gaz dans le réacteur, on le laisse réagir pendant un certain temps. Puis une fois le temps écoulé, ben on analyse le gaz à la sortie pour être capable de quantifier la quantité de CO2 qui a été traitée. Ah, tout à fait. Pour savoir celle qui a été retenue, là, c'est ça. C'est ça, en effet. Puis on est capable aussi d'analyser les produits qui vont être formés. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que la composition du gaz dans nos essais en laboratoire, mais c'est la même que le gaz qui pourrait être éjecté d'une industrie. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le gaz peut être traité tel quel, sans avoir à faire au préalable une étape supplémentaire pour concentrer le gaz, dans le fond. Oui, c'est un fait, c'est un avantage, ça. Ouais. D'où provient le matériel réactif contenant les minéraux et les métaux pour la carbonatation? Bien, moi, dans mon projet de maîtrise, on essaie de faire de la carbonatation minérale à partir de résidus miniers provenant de l'industrie du fer, dans le but d'appliquer ce procédé-là à même l'usine de bouletage de la compagnie, dans le fond, l'usine qui fait les boulettes de fer. Puis ces résidus-là, ils sont riches en oxyde de fer. Puis dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'informations à date sur la carbonatation minérale avec ces matériaux-là. Fait que c'est vraiment un grand défi que d'essayer de former des carbonates de fer en les utilisant. Oui. Par contre, dans l'équipe de recherche du professeur Mercier, il y a d'autres travaux qui ont été effectués sur la carbonatation minérale, notamment à partir de résidus miniers de chrysotile ou de l'amiante blanche. Oui, comme les Untitled Mines, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais c'est pas à partir de l'amiante, là, c'est bien à partir des résidus, soit de la roche encaissante. Puis eux sont riches en silicate de magnésium, plus précisément de serpentine. Puis ils ont été utilisés pour développer un procédé de capture du CO2 pour traiter les gaz qui s'échappent d'une cimenterie. Puis les résultats ont démontré que la serpentine, c'est un matériel ayant un bon potentiel de carbonatation qui permettrait de réduire en moyenne 70% des émissions de dioxyde de carbone. Puis en plus, les carbonates de magnésium qui sont formés, ils ont un potentiel de revente. Fait que ça fait diminuer les coûts du procédé. Puis en utilisant des résidus industriels, comme je l'ai dit, les résidus de chrysotile, ben l'aspect de revalorisation des résidus est intégré dans le procédé, puis c'est aussi une valeur ajoutée dans tout ça. Et quels sont les défis lors de l'élaboration d'un processus de carbonatation minérale? Qu'est-ce que vous rencontrez comme défi? Il y a beaucoup de défis, en effet. J'imagine. C'est certain qu'il y a l'aspect économique. T'sais, lorsqu'on élabore une technologie qui sera appliquée dans les industries, il ne faut pas que ce procédé demande des coûts exorbitants. Sinon, il y a peu de compagnies qui seront intéressées à l'appliquer. Tout à fait. D'où l'intérêt de vendre les carbonates produits qui diminuent ainsi les coûts reliés à la carbonatation minérale. Puis... aussi, je dirais, l'adaptation du processus en fonction de la nature des minéraux. C'est comme ça a bien fonctionné pour le chrysotile, mais pour les oxydes de fer, c'est différent. Puis, je dirais aussi le transport des minéraux jusqu'à la source émettrice à laquelle la technologie va être appliquée. Ça, c'est un autre défi. Puis, finalement, je dirais que l'adaptation des procédés, tu sais, qui ont été développés à petite échelle en laboratoire, puis les adapter à grande échelle industrielle, ça peut nécessiter beaucoup de travail. Donc, tu sais, pour en revenir à la COP21, mais tu sais, c'est vraiment important d'agir maintenant, d'essayer d'établir une entente internationale sur la réduction des GES d'ici 2050, car même s'il y a un accord qui est signé prochainement, puis qu'il y a des objectifs de diminution qui sont fixés, mais ça peut être long avant de trouver des solutions de capture du CO2 et autant plus long d'adapter ces technologies-là à l'échelle industrielle. Donc, tu sais, moi, je suis étudiante, j'étudie là-dedans, j'aime vraiment ça. Puis, je suis quand même confiante que la carbonatation minérale, c'est une bonne solution, mais c'est pas la seule, mais une partie de la solution dans la lutte au GES. Puis, parce que c'est un processus qui est fiable, c'est un processus qui est efficace à long terme, puis que les produits formés sont solides, stables et inertes dans l'environnement. Alors, merci beaucoup, Cindy Beaulieu, pour nous avoir expliqué le tout. Ça me fait plaisir. Et bonne chance, en fait, pour ton projet. Oui, merci. Alors, nous allons passer au mot de la fin.